Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Bon, la faux dans un petit instant, justement, avec Josiane Mito. C'est ça. D'ailleurs, ce ne sera que des fausses infos. Oui, que des fausses infos, justement. Ouais, et puis sûr. Avant ça, nous allons faire la déclaration express maintenant. Déclaration express avec Sébastien Loeb. Alors, on devait avoir Jonathan, malheureusement, évidemment, on l'a plus. Hein, voilà, ça arrive souvent que les gens veulent faire des déclarations express, puis après, ils sont un peu trop timides, donc ils ne le font plus. Ah, mais là, j'ai peur, bouh. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Et donc, donc du coup, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, putain, même si on n'a pas la bonne. Du coup, on appelle Cynthia, la copine, qui ne décroche pas non plus, donc on a de la chance. Cynthia dort encore, ou Cynthia la de son meilleur ami. D'accord. Allô, allô, Cynthia, bonjour, je t'appelle de la part de Jonathan. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio et on t'appelait pour faire une petite déclaration express à sa demande, bien évidemment. Je te laisse l'écouter, écoute bien. Sur Otis Redding. Yeah. Le jour où je t'ai rencontré, c'était pas sur le net mais en soirée. Oh, dès le premier coup d'œil je t'ai kiffé, même si ton mec ne cessait de te coller. Oh, yeah. C'était à la nif de ton frère, un pote à moi. Oh, yeah. Oh, j'aimerais qu'il devienne mon beau-frère pour m'occuper de toi. Hier, je lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que je te trouvais bien. Yeah, yeah. Il m'a dit, mec, fais gaffe à toi, parce que si tu la touches, je te la coupe avec les mains. Yeah, yeah. Comme tu sais, je connais bien ton frère. C'est un pote à moi. Oh, yeah. J'aimerais qu'il devienne mon beau-frère pour te m'aider. Non, ça va aller. On a compris la fin, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Merci Sébastien Loeb. Merci. Voilà, voilà, la petite déclaration express. Bah oui, c'était mignon. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Bah oui, c'était là, c'était bien. Oui, oui. Bon, et ben écoute, tiens-nous au courant, Cynthia, hein, si tu peux nous rappeler éventuellement pour nous dire un peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça. Tu peux me faire un mail également, mikl@funradio.be. Je te fais des gros bisous, Cynthia, et à bientôt. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Bon, ce matin, Toff teste l'hospitalité des Flamands. Bah ouais, parce que comme il semble qu'on va rester ensemble, hein, oui, voilà. A priori, hein, puisque... bah, l'accord a été passé avec voilà, BHV, enfin, pas avec, mais il n'est pas signé encore, mais bon, l'accord est là. Ouais, c'est donc, ça. Bah, je veux être sûr que les Flamands nous aiment toujours. Ouais. Et donc pour ça, tu vas les appeler en te faisant passer pour un nouveau voisin. C'est ça, qui a perdu ses clés et qui veut pas rester dehors. Attends, le serveur arrive, ouais, quoi. Voilà. Ouais, tu crois vraiment qu'à cette heure-ci, quelqu'un va t'accueillir correctement? Bah ouais, attends, je suis un mec sympa. Bon, mon seul défaut, c'est de parler français en Flandre. Oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal en ce moment. Hein. Bon, on a appelé à Lembeke tout à l'heure, ça n'a pas bien fonctionné. On va appeler où maintenant? Nous allons appeler dans un flipper, puisque nous allons à Tilt. À Tilt? Mais c'est où ça, Tilt? Aucune idée. D'accord, c'est en Flandre en tout cas. C'est en Flandre orientale pour être précis. Flandre, bah donc tu sais où ça se trouve plus ou moins. Bon, allez, c'est parti. Vraiment plus ou moins alors. Hein. On y va, on va à Tilt. En même temps, Julie est journaliste, elle doit savoir, non? Tu dois, t'es culturé, toi, non? Ah oui, bien sûr. Bon, bah, vu comment elle donne les noms des communes flamandes. Mais quoi, Vilvoorde? Ah, quoi, bah, elle les aime bien, justement. Hein. Bah, oui, c'est parti. On appelle. Sinon... Vilvoorde. Liège, c'est Liège. Vilvoorde, c'est Vilvoorde. Maya. Maya. Allez hop. Zeker, mevrouw. Gonna make you sweat. Won't forget. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je m'excuse de vous appeler, mais je suis votre nouveau voisin et j'ai oublié mes clés. Et donc, je n'ai pas de faute de votre prix. Non, ça je sais, mais le serrurier va arriver. Mais comme je voudrais pas attendre dans le froid dehors, je voulais savoir si je pouvais attendre avec vous. Ah, mais j'ai dans ma liste, ce n'est pas possible ça. Ah oui, mais enfin bon, monsieur, vous pourriez faire un effort. Moi, je suis dans le froid, il fait pas chaud. Mais comment vous arrivez ici? Bah, en voiture. En voiture, quand vous êtes en voiture, c'est possible de rester dans votre voiture. Ah oui, mais enfin, c'est moins confortable que si on prenait un café ensemble dans votre salon. Non, pas maintenant. Je suis dans ma ligne et une autre fois. Ouais, enfin, monsieur, c'est parce que je parle français que vous voulez pas m'accueillir chez vous? Je dors et ce n'est pas un bon star que de m'appeler maintenant. Oui, mais enfin bon, c'est moi, je perds mes clés quand je perds mes clés, hein, monsieur, j'ai pas choisi. Je n'ai pas votre clé. Bah, il a pas la clé, il a pas la clé, voilà, c'est ce que je te dis, voilà. Sur les choses qui arrivent. Je n'ai pas votre clé. Je n'ai pas mais il parle français, attention, il faut quand même le préciser. Non, les Flamands parlent bien français, moi. Bon, tout à l'heure, on ira à Anvers. Oui, allez, on ira à Anvers. Antwerp. Allez, ya. Nous irons à Antwerp. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Si tant que la caféine, plus vitaminée que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et je suis certain que hier, ils vous ont manqué. Yep. Mais oui, bien évidemment qu'ils vous ont manqué. Ils sont de retour. Eh oui, ils sont de retour. Et en plus, et plus je reçois des sons, plus je me dis que ça s'arrange pas. Ouais, mais là, faut dire qu'ils ont quand même trouvé un casting de très, très, très haut niveau. Oui, en tout cas, c'est pas le français qui est de haut niveau, écoutez bien. Ça m'énerve quand même un peu, quoi. On dirait que Mender Oeri, elle avait rien à foutre de moi, quoi. Ouais. Il n'a rien compris, on va remettre. Ça m'énerve quand même un peu, quoi. On dirait que Mender Oeri, elle avait rien à foutre de moi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en c'est, en fait, c'est pas qu'elle en avait rien à foutre de lui, c'est qu'elle comprenait pas un mot de ce qu'il raconte. Ah voilà, ouais, c'est déjà plus logique. Mais ouais. C'est pas notre copain qui va en discothèque? Oui, exactement. Ah, oui. Si, c'est lui justement. Mais alors, il y a pas qu'avec la discothèque qu'il a des problèmes, hein, c'est avec les jours de la semaine aussi. Hein, c'est pas forcément plus brillant, écoutez ça. J'étais vraiment content. Kamel a dit que je pouvais retourner mercredi à 3h. Eh oui, mais malheureusement c'est trop tard, on est déjà Jocadi. Mais c'est pas grave qu'il essaye de repasser Sacadi, peut-être que là ça devrait aller. Non, bon, allez, stop, on va arrêter de se moquer. Les ch'tis de cette émission, ce sont des mecs de grande classe, de trop grande classe, écoutez. Juste en face, il y avait un petit bar assez Texas Walker, quoi, donc on a décidé de faire un peu de taureau. Je préfère quand même chevaucher les gonzesses, quoi, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, il préfère chevaucher les gonzesses. Il est énorme, je vais la replacer celle-là. Tu viens, on va faire de l'équitation. Non, je préfère chevaucher des gonzesses. C'est, ouais, c'est tellement plus facile, c'est effectivement. C'est sexy en plus. Hein. Voilà, c'est tout pour les ch'tis. Hein. Bon, pour aujourd'hui, non, en tout déjà, cas. On pourrait faire une émission entière. Bon, tu veux que je te le remette? Allez. J'étais vraiment content. Kamel a dit que je pouvais retourner mercredi à 3h. Quel dingue, celui-là. Voilà, les ch'tis, vivement que ça commence sur plug. Hein, parce que, bon, en même temps, vous aurez déjà diffusé toute l'émission, mais bon. Ouais, mais on attend avec impatience. Bah ouais, c'est clair, je peux comprendre. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Allez, attention, c'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio, 6h, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. C'est la ligne anti-relou. Eh oui, la ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages. Les meilleurs messages laissés au 0 473 86 00 13. C'est le numéro que vous devez retenir par cœur, les filles, et donner à tous les relous de Belgique qui viennent vous saouler le soir, peut-être le week-end, en boîte dans un bar avec des copines ou le copain d'un copain d'un copain qui aimerait bien éventuellement casser les pattes arrière et donc vous n'avez pas envie. Super, c'était cette expression. Bah quoi? Faut oublier, quoi. C'est ouais. Casser les pattes arrière, mais non. Oh bah bien sûr. Ah bon? Non, Julie, elle préfère se faire défoncer. Oh, oh du top. 7h47. C'est non. Ça, tout de suite, tout de suite le mot de trop, tu vois. Parce que moi, c'était encore imagé. Oui, enfin, oui. Elle a pas aimé ton image. Ouais, c'est j'ai pas la sienne. Bon, allez, bref. Donc, vous donnez ce numéro-là, et puis forcément, les gens vont laisser des messages sur le répondeur, croyant que c'est votre numéro. Mais non, c'est le nôtre, justement. Écoutez le premier. Oui, je suis là, je m'attends, je m'en donne rendez-vous. On est tous les deux, il y a un plan à trois, donc bon. Pas là, tant pis. Salut. Tu nous as donné rendez-vous, hein, on était là à deux, on t'attend pour un plan à trois, mais bon, tant pis. Je pense que le mec s'est résigné et c'est une bonne idée. Ah ouais, non, mais vaut mieux. Hein. À un moment donné, il faut se faire une raison. Quoi. Ah bah oui, de toute façon, il y a un moment, ça passe plus. Hein. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bonjour, voilà, tu m'as laissé ton numéro sur ma messagerie. Je suis fortement intéressé par l'annonce. Mesure 1m80, brun, voilà. Puis. Très bien de ma personne, une profession libérale et je cherche un même musée aussi. Maintenant, je peux pas te laisser mon numéro parce que je suis avec quelqu'un et que voilà. Donc, À bientôt. Et oui, voilà. Donc, je te laisse pas mon numéro parce que, bon, tu comprends, je vais tromper ma copine. Donc, bon, bah, écoute, je te rappellerai à l'occasion. Alors, à bientôt. Hein. C'est moi qui t'appelle. Je préfère. Ouais. Et tout ça, ce sont des gens, bien évidemment, que nous trouvons sur le numéro de Julie. Hein. Faut le savoir, oui, bah non. Non, parce que moi, je ne le donne à personne. Oui, sauf à ceux qui l'ont. Troisième message. Oui, bonsoir. Vous m'avez laissé votre numéro sur ma boîte mail. Et si de temps en temps, vous voulez marquer un numéro privé, ben, répondez, c'est peut-être moi. Ou sinon, envoyez un autre mail en disant à quelle heure on peut vous joindre et quel jour vous êtes disponible. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est au bord du suicide, lui. Non, Julie donne son numéro de téléphone à personne. Par contre, elle a insisté pour je l'ai. Je ne sais pas pourquoi. Non, je crois que là, de nouveau, c'était à l'époque, rêve, elle était là. Elle dit, ah oui, vas-y, prends-le. J'ai écoute, j'en ai pas besoin. J'ai ton adresse mail. Oh, c'est ouais, énorme. Mais prends-le, vraiment. Faut que tu le prennes. C'est énorme. Ah bon, d'accord, ok. C'est beau comme tu te fais des rêves. Si t'as de la chance, hein, parce que moi, jamais elle a voulu me le donner. Ah ouais, bah tu vois, c'est ouais, mais je crois qu'il doit y avoir. C'est une question de physique, à mon avis. Même pas les 4 premiers chiffres, tu vois. Je vous laisse parler entre vous. Ça commence par 04. Déjà, là, tu vois, t'as plus que 8 chiffres à trouver. Au final, hein. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut.